Bienvenue dans votre super revue de presse, l'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginat, je serai avec vous pour les deux prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Nous en sommes à l'édition du 2 juillet 2012 et vous ne rêvez pas, François Marginat et l'autre monde sont de retour, peut-être que pour un bref moment, mais bon, nous sommes là toujours. Alors, effectivement, ben écoutez, chers auditeurs, quelques explications d'abord. Alors, pour les habitués de l'émission, surtout en tout cas durant la dernière année, vous avez vu que l'émission est sur les ondes on and off. Alors, c'est un peu comme ça que ça va être pour les prochains moments. Alors, surtout pour l'été en tout cas. Nous avons eu le 29 mai dernier des pluies assez intenses dans la région de Montréal, au Québec en réalité. Et puis la station a été inondée. Alors pendant deux semaines, la station a été fermée pour réparation. Et puis après, il y a une semaine, j'ai pris congé. Puis la semaine passée, ben, j'ai eu des problèmes avec mes services Internet. Alors j'ai été coupé d'Internet pendant presque une semaine. Donc plusieurs aléas qui tombent quand même à un moment... quand même assez propice quand même. Alors pourquoi dis-je ceci? C'est que bon, cet été, ça fait faire un an que je suis de retour dans ma patrie ici au Québec, de fait à temps plein. Et puis c'est le premier été complet là, que je suis sur le terrain. Alors je vais avoir des projets très importants cet été. J'en ai déjà entamé. Dont un superbe jardin, un immense jardin. Alors ça peut paraître un peu drôle de dire ceci, mais franchement, chers auditeurs, vous avez vu les nouvelles avant qu'on se quitte pendant cette pause d'un mois, avec les nouvelles économiques, les nouvelles du Moyen-Orient, et puis à peu près tout ce qui se passe là, réellement dans l'actualité, on s'aperçoit que... oui, il y a toujours un moment pour parler et diffuser l'information, mais il y a aussi un moment pour passer à l'action. Et puis, il faut savoir se prémunir. Et puis, vous savez, avec un prospect d'une guerre assez importante au Moyen-Orient, vous voyez l'Occident qui continue de pousser pour une guerre contre la Syrie. Bon, vous savez, je l'ai expliqué en longueur et en largeur réellement qu'est-ce qu'il en retournait de ce potentiel conflit. On sait que la Syrie est un pays par lequel par lequel on veut finalement atteindre l'Iran, c'est-à-dire que la Syrie et l'Iran possèdent un pacte de défense mutuelle militaire. Alors, en attaquant la Syrie, ça force l'Iran à intervenir. Et puis, c'est la cible finale des néocons sionistes. Alors, c'est d'atteindre l'Iran et puis de démolir l'Iran. Alors, on veut y aller à travers la Syrie ou directement contre l'Iran. Une chose est certaine, c'est que une guerre se prépare. En fait, une guerre est déjà entamée au Moyen-Orient, en Syrie. Vous avez déjà, j'en ai parlé aussi énormément, et puis j'ai encore là beaucoup d'informations à cet effet qui sont sorties durant les dernières semaines, qui vient tout corroborer ce qu'on a avancé ici sur l'autre monde durant les derniers mois. C'est-à-dire que on achemine des armes à des groupes rebelles, des groupes terroristes à l'intérieur de la Syrie. Alors, quand je dis on, c'est-à-dire les États-Unis, Israël, sans aucun doute, et puis possiblement d'autres pays aussi, dont l'Angleterre. Alors, on achemine des armes vers des rebelles, des gens qui n'ont rien à voir avec une opposition syrienne légitime, comme on aimerait bien vous le faire croire dans les grands médias. Seulement, la réalité sur le terrain ne colle pas avec la réalité perçue qu'on essaye de vous faire manger, de vous faire gober, de vous faire avaler comme des grosses couleuvres. Les massacres sur le terrain en Syrie qu'on blâme sur le régime de Assad sont pour la plupart le résultat d'escadrons de la mort et de groupes terroristes financés, supportés et armés par les forces néocons sionistes en Syrie. Et puis, vous avez écouté des exactions qui ont été commises réellement qui ne correspondent absolument pas à une manière de procéder, à une façon de faire, je veux dire, militaire, c'est-à-dire des coups de couteau dans le dos, on brûle les gens vivants, ainsi de suite. Là, je veux dire, on voit réellement que c'est le résultat de débiles mentales, de psychopathes, de mercenaires privés qu'on a importés autant de la Libye que d'ailleurs aussi, dont des gens qui sont affiliés à l'Al-Qaïda et des mercenaires qui ont combattu contre les soldats américains en Irak, se retrouvent maintenant en Syrie. Puis vous avez les États-Unis et Israël qui supportent maintenant ces gens-là pour déstabiliser le pays et puis après ça blâmer les massacres qui sont commis sur le régime de Assad. Et puis l'emblâmer. Bon, est-ce que ça veut dire qu'on aime Assad et qu'on veut le protéger et ainsi de suite? Pas du tout. Encore une fois, faut le répéter pour les gens qui sont un peu lents d'esprit, c'est-à-dire qui font des associations fausses, des faux liens qui sont tracés dans les médias. Alors on prépare les gens à penser de telle façon et répliquer de telle façon, alors qu'il n'y a aucune logique à ça. C'est pas parce qu'on décrit la réalité comme quoi que ces fameux Syriens, supposés rebelles de l'opposition, de libération nationale, whatever, comment vous appelez ça, là, c'est la même maudite affaire qui s'est passée en Libye, là, c'est-à-dire qu'on finance des groupes armés, des terroristes, des extrémistes, alors des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple en tant que tel, qui ne représentent pas le peuple et surtout pas dans ses manières de faire. Ce sont des gens extrêmement violents et des gens qui d'ailleurs causent des massacres et puis après ça essayent de le blâmer sur le régime d'Assad. Bon, alors maintenant qu'on a décrit ces choses-là, est-ce que ça veut dire qu'on supporte Assad? Ben pas du tout, on décrit une situation, un point, c'est tout. Je dis, c'est comme si on disait que j'ai coupé le gazon hier. Ben j'ai coupé le gazon hier, ça veut pas dire que je suis contre le gazon ou pour le gazon, là. Je veux dire, j'ai juste coupé le gazon, OK? Alors, vous comprenez, c'est dommage qu'on en soit rendu à un niveau où il faut expliquer ces choses-là, mais c'est comme ça. C'est pas parce que les États-Unis et Israël fournissent les armes à des mercenaires privés, à des groupes rebelles, à des extrémistes et des terroristes, OK, que ça veut dire que parce qu'on décrit telle situation, que ça veut dire qu'on est pour Assad, OK? Assad, c'est un type assez particulier, je veux dire, qui pratique la torture, hein? Donc, et puis ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler des régimes répressifs. Alors réellement, ça veut pas dire que ce type-là, c'est quelqu'un qui est très sympathique. Par contre, la réalité est telle, je veux dire, c'est que le peuple syrien ne s'est pas soulevé contre de masse contre ce gouvernement-là. Okay? Vous avez une opposition, effectivement, c'est correct d'avoir une opposition. Sauf que ce qu'on voit prendre place dans le pays en ce moment en Syrie n'a rien à voir avec un soulèvement populaire. Ok, c'est comme ce fameux printemps arabe qui finalement n'avait rien de très arabe à sa source. Alors, vous savez, c'est maintenant largement documenté. Si vous en êtes pas encore rendu à ces conclusions-là, ben c'est pas plus grave. Là, je veux dire, on est rendu dans un monde où, comme je vous disais. À un moment donné, vient le temps de parler, d'expliquer, vient qu'à passer, puis à un moment donné, il faut passer à l'action. Là. Je veux dire, on est rendu à ce moment-ci. Là. On est sur le bord de voir une guerre au Moyen-Orient éclater et qui va avoir des répercussions sur l'économie mondiale catastrophiques. Okay? Je veux dire, vous vous attendez à ce que la vie continue comme si de rien n'était. Après que, je veux dire, on commence une guerre au Moyen-Orient contre la Syrie et l'Iran, alors qu'on va voir le baril de pétrole passer aux 200-300 $, si vous pensez que ceci n'aura pas des implications, des conséquences directes dans votre portefeuille, dans votre mode de vie, sur le prix de la nourriture et ainsi de suite, de l'énergie, le centre de l'économie, Bien, continuez votre chemin, aucun problème, allez-y, tout va bien aller, ok? Alors, c'est dans ce monde-là qu'on patauge. Alors, on patauge dans un monde qui ne tient qu'à un fil, ok? Où vous avez le livre de beurre ou le pain, où vous avez la farine et les denrées de base de la sorte, qui pourrait soudainement, du jour au lendemain, à tout moment, réellement à tout moment, doubler, tripler de prix. Alors, j'espère seulement que vous êtes conscient de ça, et puis que vous prenez des mesures pour vous protéger, tout simplement, sans tomber dans l'hystérie, sans tomber réellement dans la peur, et ainsi de suite. Ça donne absolument rien, mais préparez-vous. Préparez-vous parce que, je veux dire, le moment est à ça. Je veux dire, on peut pas avoir une situation des plus précaires que ça. On a combiné à cela toute l'histoire de Fukushima, dont on va parler sous peu, qui est loin de s'améliorer. On est encore là sous l'épée de Damoclès. On fait face à une catastrophe sans précédent, qui est même pas médiatisé, dont on ne parle pas du tout. Ensuite, vous avez la situation de l'économie mondiale qui est sur le point de basculer dans une dépression mondiale. On va en parler aussi au cours de l'émission. Et puis après ça, ben vous avez nos pays occidentaux, autant en France, en Angleterre, aux États-Unis, qu'au Canada, qui sont en train de glisser rapidement dans une pente descendante de la tyrannie. Vous avez des signes partout de ça. S'il faut être d'un aveuglement volontaire pour ne pas le voir. Vous avez encore des nouvelles dont je lisais hier les titres. Et puis, on apprend que vous avez d'autres États comme la Floride. Vous avez plusieurs États maintenant aux États-Unis où on admet utiliser, où on permet même, on légalise l'utilisation de drones. Alors, ces fameux drones, ces avions pilotés à distance militaires qu'on utilise dans des théâtres de guerre au Moyen-Orient, ben maintenant, on les utilise dans les ciels américain, dans le ciel américain, ok? Donc on les utilise dans le territoire aérien des États-Unis pour surveiller, épier, on dit bien sûr, les terroristes, les immigrants illégaux, bien sûr. Alors ça, c'est évidemment le couvert médiatique, si on veut, le public. Alors qu'on sait très bien que on surveille les Américains. OK, alors vous avez clairement ici une tyrannie qui est en train de se mettre en place dans nos pays, qui prend différentes formes. Et puis, on se retrouve à la croisée des chemins. Alors, si vous pensez que c'est un bon moment pour faire un grand jardin et puis assumer votre subsistance, faites-le pour le plaisir, pour en apprendre plus. Alors, c'est bien agréable d'être en contact avec la nature puis de l'avoir donné généreusement des fruits de la terre comme ça pour notre consommation. Réellement, ça remplit d'un respect face à la nature. Puis en même temps, ben vous aurez un garde-manger au cas où. Si vous n'avez pas les moyens ou la place, eh bien, commencez tranquillement à acheter de la nourriture. Celle qui est en vente. Vous avez des aubaines, des fois, des bons rabais. Alors, allez-y. Emmagasinez un peu. Essayez d'avoir des réserves d'au moins quelques semaines, sinon un mois ou deux dans nourriture. Au moins, la nourriture que vous aurez achetée à prix rabais, mais après ça, vous la mangez en rotation. Et puis, c'est pas perdu de toute façon. C'est pas une question de paranoïa ou ainsi de suite. Puis coudonc, si à un moment donné, ces malades-là, ils finissent par attaquer l'Iran ou la Syrie, ben, et que la Russie intervient, et la Chine aussi, où on se retrouve face à un prospect de Troisième Guerre mondiale, qui est très réel, eh bien, vous aurez quelque chose, au moins en tout cas pour passer les premiers temps durs. Alors, c'est là où on en est. Et puis, c'est ce que je vais faire pour l'été aussi. Alors, je vais cultiver ce grand jardin. Et puis, j'ai différents projets aussi d'essayer de modifier ici la maison où je vis pour qu'elle utilise l'énergie solaire, ainsi de suite. Alors, essayer de faire en sorte d'être le plus autosuffisant que possible pour le plaisir de le faire, le défi. Mais aussi pour les bons côtés que ça peut amener dans la situation dans laquelle on est en train de glisser tranquillement. Alors, une grande entrée, une grande mise en jeu ici pour vous expliquer que c'est le temps de passer à l'action. Alors, je vais continuer de vous tenir informé au courant de l'été. Ici, sur les ondes de Choc FM, je vais vous donner au moins une ou deux autres émissions. Alors, je devais terminer à la fin juin. Mais étant donné que j'ai été absent des ondes pendant un mois, donc durant presque tout le mois de juin, eh bien, je vais vous donner quelques semaines pour être avec vous, là, réellement, prendre soin de vous un peu, mes chers auditeurs. Toujours un plaisir de vous savoir là. D'ailleurs, je prends le temps de vous remercier. Plusieurs d'entre vous m'ont écrit. Alors, me demandant des nouvelles, ce qui se passait avec l'autre monde. Alors, réellement, ça fait vraiment plaisir de vous savoir là, puis ça me donne un sens de responsabilité. Réellement, j'ai un certain sentiment de culpabilité à prendre du recul et puis à m'occuper de certains dossiers importants. Sauf que je vais devoir le faire, alors je vais devoir m'absenter la fin juillet, tout le mois d'août, ça c'est certain. Alors officiellement sur les ondes ici de Choc FM. Par contre, sur la chaîne de l'autre monde sur YouTube, eh bien, je vais produire certaines émissions au courant de l'été, au fil de mon plaisir, quand j'aurai un peu de temps. Alors, je vous alimenterai. Alors, allez faire votre tour comme ça, une fois de temps en temps, une fois par semaine, là, sur notre chaîne YouTube. De toute façon, Stéphane Poutoir nous agrémente tout le temps de plusieurs vidéos. Alors, il y a tout le temps quelque chose de nouveau sur la chaîne. Alors, ne cessez pas d'y aller. Puis en même temps, vous allez voir s'il y a une émission surprise. Alors, de durée variable. Alors, peut-être que je vous ferai des petites capsules de quelques minutes. Peut-être d'une heure, deux heures. Peut-être que je vous ferai une nuit en compagnie de François Marginan sur YouTube. Alors, on verra. Mais le fait est que je vais vous donner ici officiellement une ou deux autres semaines et puis après ça, je vais me retirer jusqu'au début septembre officiellement. Alors, comme je vous disais, vous allez pouvoir suivre des petites émissions importantes que je vais faire pour suivre l'actualité quand même mondiale sur la chaîne YouTube, mais ça va être irrégulier. Alors, soyez-en avertis. Alors, bienvenue à la seule émission en ondes qui est irrégulière, alors qui tient ses auditeurs sur le qui-vive. Alors, merci d'être là, chers auditeurs. Réellement, ça fait plaisir de vous savoir tout le temps à l'écoute et de connaître votre intérêt pour cette émission. Et puis, je sais qu'il est difficile de trouver de l'information crédible, de l'information vérifiable, de la vraie information qui ose vous rapporter la vérité et dire les choses telles qu'elles sont. Alors, c'est un peu le sens du devoir que j'ai et puis je vais essayer d'être présent le plus possible. Alors, voilà. Donc, écoutez, on va y aller avec, grosso modo, là, un petit survol de ce qui se passe à Fukushima. Disons que la situation est loin d'être rose là-bas. Chaque semaine, on a des pièces d'information qui viennent confirmer encore à quel point on nous a caché la vérité, dissimulé les vraies données, les vraies retombées. On a modifié des photos. Vous avez ici un autre cover-up. On a rendu obscures certaines parties des images de l'effondrement du réacteur numéro 4. Ça, c'est... écoutez, vous avez plusieurs informations qui sortent comme ça, qui nous montrent différentes photos, images, vidéos, comme quoi que la situation, finalement, était bien pire que ce qu'on nous a révélé, puis ce qu'on nous révèle encore, ce qu'on peut retirer réellement de ces semaines. En fait, dès ces mois depuis même, je dirais, le début de cette histoire de Fukushima, c'est à quel point que le lobby de l'industrie de l'énergie nucléaire, les gouvernements et les médias nous mentent de façon éhontée. C'est de façon criminelle, je veux dire, c'est incroyable de voir la situation sur le terrain, la réalité. D'un côté, et puis de l'autre côté, la couverture médiatique, ce qu'on vous rapporte, ou tout simplement ce qu'on vous rapporte pas, c'est assez ahurissant. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans le passé, et puis ça continue. Alors, je veux dire, on a des données absolument catastrophiques. Écoutez, des radiations qui montent jusqu'à 10 sievers dans les sous-sols inondés de l'unité numéro 1. Alors, la Tokyo Electric Power Corporation, la TEPCO, ont annoncé vendredi passé que des niveaux de radiation excédaient les 10 sievers. Et ça a été détecté, comme je vous disais, dans les sous-sols du réacteur numéro 1, sur le plan de Fukushima Daiichi. Ce qui va évidemment ralentir le développement de ce nettoyage ou de la décommission de ce réacteur. Alors, vous savez, une exposition à un ou deux sievers est suffisante pendant quelques minutes seulement pour vous tuer. Alors, à 10 sievers, une personne ne peut pas rester là même quelques secondes sans être irradié de façon mortelle. Alors, aucun travailleur, même robot, ne peut entrer sur les lieux. Et puis, on dit, il va falloir utiliser des robots pour la démolition, mais vous savez, à des niveaux comme ça, même les robots ne peuvent pas durer bien, bien longtemps. Les circuits sont atteints par les radiations. Vous avez des développements absolument catastrophiques comme ça. On n'en parle pas dans les médias. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. On ne sait même pas quoi faire avec ça, je vais vous dire bien franchement. J'ai des pages et des pages de nouvelles par rapport à Fukushima. On pourrait toutes les passer une par une. La situation serait la même. C'est que vous rendriez compte que on fait face à quelque chose que l'humanité n'a jamais rencontré auparavant. On n'a aucune idée quoi faire avec ça. On se rend compte que les retombées radioactives et puis des déchets radioactifs se sont rendus amplement jusque sur la côte ouest américaine et canadienne. Les débris ont déjà traversé le Pacifique, ont déjà commencé. Les premiers débris sont arrivés, ont traversé le Pacifique et ont commencé à frapper la côte ouest du continent nord-américain. Pensez à ça deux secondes. on a caché aux Japonais l'ampleur des retombées mêlées de plutonium et ainsi de suite, des quantités pas mal plus importantes que ce qu'on n'a jamais avoué, osé avouer, qui sont retombées à des centaines de kilomètres autour de Fukushima, atteignant Tokyo et ses environs. Et bien sûr qu'on va commencer à shooter un paquet de chiffres. Certains seront plus crédibles que d'autres. On avance jusqu'à 2 millions de Japonais qui devraient mourir des retombées de Fukushima dans les prochaines années. Quelle sera la réalité? On le verra. Une chose est sûre, c'est que un grand paquet de gens sont condamnés à mourir de maladies dégénératives. Des milliers d'enfants sont condamnés à naître avec des malformations congénitales, avec des chaînes d'ADN abîmées. Une région entière au Japon est condamnée pour des temps immémoriaux, pour des centaines, des milliers d'années. Okay? On retrouve de plus en plus de fruits de mer, de poissons, très éloignés, là, on parle jusqu'en Alaska, contaminés, sérieusement contaminés, par la radioactivité qui est relâchée dans l'océan. Et puis, cette situation-là, comme c'était pas déjà assez grave, on se retrouve avec plusieurs nouvelles qui parlent de la structure de l'unité 4, qui supporte ce bassin, cette piscine de combustible utilisé, qui contient des milliers de crayons de combustible nucléaire. Et la structure est en train de s'effondrer. On a des courbures dans la structure qui sont jusqu'à 40% pires que ce qu'on pensait. C'est la saison des typhons au Japon. On a des tremblements de terre qui continuent de frapper de façon hebdomadaire, parfois directement sous la centrale. On retrouve du césium qu'on a détecté dans l'urine des enfants au Japon. Vous avez la température de ce bassin du bâtiment numéro 4 qui a augmenté de façon très inquiétante. On a eu des problèmes avec le système de refroidissement qui s'est éteint, on a réussi à rapporter, à ramener en ligne. Alors, toutes sortes de problèmes comme ça. Pendant ce temps-là, vous avez des manifestations à Tokyo les plus importantes depuis les années 60. Alors, vous avez un mouvement de masse au Japon, de Japonais qui sont écœurés, qui sont extrêmement en colère de s'être fait mentir de la sorte, sacrifiés carrément par leur gouvernement et TEPCO, le lobby de l'énergie nucléaire, parce que supposément on ne voulait pas les inquiéter. On ne voulait pas les inquiéter. C'est ce qu'on a voulu, c'est ce qu'on a dit, dans le fond, ce qu'on a rapporté. On a dit qu'on n'a pas voulu dire aux gens la vérité sur l'ampleur de la situation à Fukushima parce qu'on a voulu en fait éviter une panique. Alors on a décidé pour vous, pour les Japonais, pour tous les gens de la planète Terre, parce que ça l'affecte finalement la planète au complet. On a jugé bon de ne pas vous rapporter la vérité parce que finalement on ne voulait pas semer la panique. Alors on a laissé prendre les gens se prendre des doses, dans certains cas, jusqu'à mortel de radioactivité. On les a sacrifiés carrément sur l'autel de l'énergie nucléaire pour sauver ce lobby et puis l'image. C'est assez terrible. Alors, vous avez des centaines de milliers de personnes maintenant qui sont descendues dans les rues à Tokyo et qui manifestent contre ce gouvernement qui les a sacrifiés, qui les a menés à l'abattoir. Et puis ça, c'est un développement très positif, évidemment. Les gens qui commencent à réaliser partout sur la planète Terre qu'on leur ment et qui commencent à prendre les choses en main. Alors, ça continue comme ça. Écoutez, je pourrais vous en lire. Écoutez, 1000 millisieverts par heure. Ça, c'est des travailleurs qui se sont pris des. Ils ont fait travailler dans des zones qui sont affectées de la sorte. Alors, on veut repartir des nucléaires, ainsi de suite. Alors, vous avez un paquet de nouvelles. Écoutez, je veux dire. Je voudrais bien toutes vous les lire, là, mais je veux dire, réellement, il va falloir que vous alliez voir vous-même. Je vais vous en laisser plusieurs sur les nouvelles internationales. Ce qu'il faut retenir, là, c'est que vous avez des gens qui vivent encore dans. On parle 1 million de Japonais ici qui vivent encore dans des régions où on a des hautes doses de radiation, ou des gens qui sont exposés à des hautes doses de radiation. On retrouve du césium dans le riz. On en retrouvait avant seulement que 0,1 becquerel par kilogramme. Maintenant, c'est 1000 fois plus élevé. Alors, imaginez, les gens vont commencer à manger ça. Alors, on se retrouve dans une situation absolument catastrophique où on va ne commencer qu'apprécier les conséquences extrêmement graves qui vont se développer. On a inspecté plusieurs de ces bâtiments-là avec des caméras. On se rend compte que les combustibles, les carons de combustible sont brisés. Dans bien des cas, on n'est même pas capable de retrouver finalement la matière parce qu'elle a tout simplement entré en fusion et puis coulé à travers l'enceinte du réacteur et puis se retrouve dans les sous-sols. C'est pour ça qu'on retrouve des taux comme jusqu'à 10 hivers dans ces fameux sous-sols des bâtiments, des réacteurs. Le Japon qui avait reçu des niveaux de radiation très précis du gouvernement américain juste après les explosions, les officiels ont gardé ces données secrètes, ne les ont pas révélées au public. Les gens, finalement, on a appris dans un des médias, le Asahi Shimbun, que les gens se sont pris une année de radiation, alors selon les niveaux là, sécuritaires qu'on détermine, en seulement 8 heures. Alors, se sont pris une dose de radiation annuelle en seulement 8 heures, imaginez. Des gens au Japon. Et puis, on a jugé bon ne pas avertir la population de ça. Alors, voyez un peu, là, réellement, là, c'est vraiment dégoûtant, là. C'est pas, y a rien de drôle dans cette situation-là. Vous avez des niveaux de radiation nucléaire, finalement, des retombées de Fukushima trouvées dans le bœuf américain. Alors, vous avez des nouvelles qui parlent de ça. Alors, voyez, le Japon qui ont menti à propos des radiations de Fukushima pour éviter la panique. Alors, toutes sortes de nouvelles comme ça qui sont sorties, qui continuent de confirmer toute cette histoire-là. Alors, c'est assez inquiétant, comme je vous disais. Les algues qui commencent à faire de la bioconcentration des matériaux radioactifs dans les villes japonaises, alors qui sont en train d'absorber la radiation. Ça, c'est de quoi qui pourrait être utilisé, par contre, pour nettoyer des villes, je veux dire. Vous avez des solutions comme ça qui commencent aussi à faire surface. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir se pencher sur... Il faudrait se pencher sur cette situation, avoir finalement un corps international indépendant qui se penche immédiatement sur Fukushima et puis essayer de pallier, de trouver des solutions, là, je veux dire, essayer de faire face à la situation au lieu d'essayer de la dissimuler, de la pousser sous la carpette, là, hein. Alors, on va faire une petite pause et puis après ça, on va revenir à la charge avec quelques nouvelles de l'actualité, des nouvelles aussi qui sont sorties il y a quelques semaines, mais qui sont non moins importantes, dont je voulais réellement vous rapporter les grands titres, ainsi de suite. On va parler un peu ici aussi de la situation au Québec avec toute cette histoire de la grève étudiante et puis de John James Charest et puis le clan des Marais. Alors, on va parler un peu de ça aussi. Et puis après ça, on devrait terminer l'émission avec des nouvelles de l'économie. Là, j'aurais beaucoup de choses là à vous passer là sur l'économie. Alors voilà, on fait une petite pause, on se retrouve immédiatement après. A big question posed to me daily on the street. Many want to know the reason why. Many people say, and many people ask, why am I a rascal man? Babylon and the situation. It's because of the Babylon and the situation. When I was a boy about 8 years old, there was a certain Rasta man, and he loved all the children, and he treated us like a man. Even the little children that no one cares for, we call up everyone, and he gave us fruit and treated everyone with a special love. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? But he taught I the love to give to everyone. Many people say I, many people ask I, why am I a Rasta man? Eh bien, nous voilà notre deuxième volet de l'émission. Nous allons parler d'actualité. Et on va commencer avec une liste quand même assez inspirante de tendances, en fait, 10 tendances les plus inspirantes, qui montrent un peu que tout n'est pas perdu, malgré les bons challenges là, qu'on a en ce moment. Il y a quand même des bonnes raisons là, de garder espoir et de demeurer optimiste. Il y a quand même des tendances, des signes qui montrent. Vous devez vraiment voir au-delà aussi là, de tout ce qui se passe quand même. Là, des fois, là, de juste regarder ce qui se passe dans le monde ne peut être assez déprimant, si on veut. Là. Mais il faut voir aussi au-delà de ça. Là, je veux dire, on est en train de voir un changement de paradigme sans précédent qui est en train de prendre place dans la conscience des gens. Partout à travers la planète, disons-le, réellement, là, il y a des choses très, très encourageantes. Premièrement, vous avez cette fameuse population mondiale qui semble arriver à un certain plateau. Alors, ça peut paraître assez surprenant là, pour bien des auditeurs d'entendre ça, là. Mais surtout dans, si vous voulez, le paysage médiatique dans lequel on essaie tout le temps de vous épeurer, de vous inquiéter avec ça, de la population mondiale là, qui est en croissance continue. Là. Écoutez, vous avez si vous voulez, les signes dans la nature et puis aussi des données démographiques qu'on a recueillies à travers la planète entière par des gouvernements, toutes sortes d'agences, ainsi de suite, étalées sur des décennies, réellement, qui montre que lorsque les populations s'enrichissent, en fait, se hissent dans la classe moyenne, la natalité diminue dans ces sociétés-là. Alors, vient qu'à frapper un plateau et puis même à décliner. Alors, dans des pays comme à Taïwan, par exemple, même ici au Québec, on voit la population cette fameuse population a frappé un plateau et puis commence maintenant à décroître. Alors, c'est un peu ce qui va se passer aussi au niveau de la planète. Alors, il faut arrêter de paniquer avec ça, là. Ensuite, on a l'énergie solaire qui va être très bientôt moins chère, plus abordable que le charbon, le gaz et le pétrole. Ensuite, vous avez le fameux miracle de l'Internet. Alors, ça aussi, j'en ai souvent parlé, c'est la révolution dont l'information circule dans la société qui est complètement changée. Alors, avec ces réseautages et cet accès à l'information sans précédent avant dans l'humanité, disons-le. Ensuite, il faut aussi regarder du côté des enfants qui sont beaucoup plus aimés, supportés que dans les générations passées. Dans plusieurs pays aussi, on voit les taux de crimes violents baisser dramatiquement. On parle aussi de guerres qui sont beaucoup moins vicieuses que dans le passé. On a aussi ce fameux paradigme de droite et la gauche qui est en train de changer. La conscience des gens se porte maintenant sur le fait que ce n'est pas un paradigme droite-gauche dans lequel on patauge, dans lequel on vit, mais c'est bien plutôt un paradigme réel du 99% contre le 1%. Hein? Alors, on est en train de rentrer dans le concept de la famille de l'humanité. Alors, tous les humains sont en train de se rendre compte qu'en réalité, on appartient tous à la même famille et qu'on est mené à l'abattoir par une même caste, une élite mondiale qui est en place depuis bien longtemps, pas mal plus longtemps qu'on le pense. Et puis, toutes les petites fourmis sont en train de réaliser qu'elles sont tous ensemble et qu'ensemble, elles ont un pouvoir énorme et qui surpasse de loin celui de l'élite qui aimerait bien lui faire croire qu'elle est impuissante. OK? Alors, ça aussi, c'est de quoi qu'on voit prendre forme, voir prendre place partout dans le monde sous différentes façons. Ensuite, vous avez l'homme derrière le rideau qui est exposé. Hein? Alors, cette élite, cette puissante élite globale qui est exposée. Alors, vous avez plusieurs cas aussi, autant aux États-Unis, en France, en Angleterre, ici au Québec, avec la famille Desmarais, ainsi de suite. Alors, l'intérêt aussi dans la croissance personnelle. Je parle ici de l'expansion de la conscience qui est en train d'augmenter. Vous avez aussi, bien qu'on en parle très peu, il est indéniable qu'on a de plus en plus de coopération, je dirais même d'amour, qui traverse toutes les couches de la société, de notre monde. Et puis les gens sont en train de réaliser qu'ils peuvent être les maîtres de leur propre vie et puis prendre acte. Les gens prennent acte de ça et puis agissent de plus en plus, ce qui est de façon générale réellement là, très encourageant. Alors, plusieurs trucs comme ça, allez voir. Ensuite, rapidement ici au niveau du conflit étudiant au Québec, ben écoutez, réellement, là, vous avez Jean Charest qui a comme un, si vous voulez, un peu comme une personne complètement déconnectée de la réalité, maintenant songe à, si vous voulez, déclencher des élections. Ici, on va avoir des élections au Québec et puis qui devraient prendre place en automne. Et puis, M. Charest s'imagine que là, il va être capable de faire sa course électorale sur le sujet de son gouvernement qui, supposément, garde le contrôle au Québec et le gouvernement de la raison, ainsi de suite, et qui va essayer de dépeindre les autres partis, dont le Parti québécois, comme étant le parti de la rue et puis du chaos, et ainsi de suite. Alors, assez incroyable de voir ça. Alors, j'espère que maintenant, la prise de conscience va être mûre à point pour comprendre qu'on ne va pas trouver de solution autant dans le Parti libéral que les autres partis sur le plancher, en tout cas en général, là, pour les grands partis. Il n'y a rien à faire avec ça. Il faut comprendre que c'est un changement beaucoup plus profond qu'on a besoin ici au Québec, qui est temps qu'on mette cette fameuse élite qui est au pouvoir réellement, le fameux gouvernement secret du clan Desmarais, qu'on expose ces gens-là et puis qu'on cesse de se faire mener comme des esclaves réellement. Alors, il est temps qu'on reprenne le pouvoir ici. Les gens de l'élite ont bien peur, appellent ça le pouvoir à la rue. Alors, ils essaient de faire sonner ça le plus anarchique possible pour essayer d'épeurer les gens. Mais en réalité, c'est la population ici du Québec qui est en train de reprendre le pouvoir en main. Et puis, c'est ça qui est important. Vous avez plusieurs juristes qui ont pris la rue pour dénoncer la loi spéciale 78 de Jean Charest. Vous avez des experts des Nations Unies aussi qui se sont dit préoccupés par les récents événements au Québec. C'est très grave ce qui s'est passé ici avec cette fameuse loi liberticide qui compte la charte des droits et libertés autant québécoise que canadienne. Vous avez plusieurs personnes qui ont manifesté contre ça. Les tribunaux semblent se ranger derrière l'élite. Et alors évidemment, elle profite de ce système qui est répressif, ce système qui vit comme un parasite du sang de la population. Alors, il est temps qu'on se libère de ce joug, OK? Alors, chers auditeurs, réellement, là, vous devez comprendre là, ce qui se passe ici. En réalité, qu'on cesse de croire à ce faux paradigme de droite et gauche, de libéraux, Parti québécois, DQ, Action démocratique, l'autre, la CUAC, toute cette gang de Legault, ainsi de suite, là, je veux dire, il n'y a absolument aucune solution de ce côté-là. Vous avez d'ailleurs cette vidéo d'Anonymous qui a révélé les détails d'une soirée de 12 millions de dollars organisée pour la fête. L'épouse du Seigneur Desmarais, où on a vu toute la cohorte, autant de la gauche, de la droite, des conservateurs, des libéraux, tout le monde s'est réunir chez le maître et seigneur Desmarais. Alors, à l'occasion de Jackie, sa femme, son 80e anniversaire, on a vu les George W. Bush, on a vu les Jean Chrétien, les Lucien Bouchard, les Jean Charest, toute cette gang-là débarquer ensemble chez Paul Desmarais, main dans la main, tout le monde est heureux, Brian Mulroney. C'est fantastique de voir ça, cette vidéo-là, de voir de vos yeux vus ce qu'est l'élite. Alors, ce faux paradigme où on pense que ces gens-là sont ennemis et puis se font compétition quand on réalise en réalité que ces gens-là, finalement, travaillent ensemble contre la population. Alors, vous avez différentes nouvelles qui sont sorties. Le FBI qui a créé des faux complots terroristes pour discréditer le mouvement Occupy Wall Street. On parle de ce sommet des Bilderberg de 2012 là, qui s'est déroulé il y a quelques semaines aussi. J'étais pas en ondes, mais je vous mets quand même ici les nouvelles par rapport à ça. Vous avez les listes des participants. Très important à aller consulter. Vous allez voir aussi quels sont ces gens qui font partie de cette élite mondiale et puis qui planifient les événements à venir pour vous. Alors, tentent de vous faire vivre dans leur monde. Alors, vous devez comprendre qui sont ces gens, quelles sont leurs mentalités pour pouvoir mieux les contrer. Alors, j'ai mis en jaune quelques personnages importants qui ont participé à ce sommet des Bilderberg. Alors, vous avez des gens de la France comme Henri de Castries qui est un CEO du groupe AXA. Alors, vous avez des groupes d'assurance comme ça, de l'Allemagne. Vous avez des gens de la Deutsche Bank. Alors, des gens de la Grande-Bretagne. Marcus Agius, alors, chairman de la Barclays. Vous avez Alexander Keith B., alors, des États-Unis, le commandant de la division cyber, de la cyberlutte là, américaine, le directeur national de la NSA. Vous avez Joaquin Almunia, vice-président et commissionnaire de la compétition pour la Commission européenne. Alors, vous avez le prince Philippe de la Belgique. Vous avez Enis Berberoglu, alors j'espère que je dis son nom correctement, de la Turquie, qui est l'éditeur en chef d'un journal là-bas en Turquie. Franco Bernabé de l'Italie, vous avez lui, il siège comme CEO sur Telecom Italia. Vous avez un membre du Parlement, Nick Boyles de la Grande-Bretagne. Alors, vous voyez, c'est pas juste des CEO, des gens du secteur privé, des multinationales ou des banquiers. Vous avez des gens du gouvernement aussi, de différents gouvernements, des princes, ainsi de suite, de plusieurs pays européens et nord-américains qui participent à ça. Alors, vous avez vraiment une grosse collusion, là, autant financière, bancaire que politique ensemble. Alors, vous voyez, ces gens-là qui se fréquentent comme ça dans cette haute société ultra riche et ultra puissante de la planète et qui se trouve être ce genre de gouvernance mondiale, ce gouvernement mondial qui aimerait bien se mettre en place et s'officialiser. Alors, vous les avez tous, là. Vous avez Mark J. Carney qui se trouve être le gouverneur de la Banque du Canada. Eh oui, qui se trouve être au sommet des Bilderberg. Alors, qu'est-ce que ces gens-là font là dans des réunions secrètes comme ça, à l'écart des médias, des gens qui prennent des décisions qui sont extrêmement importantes pour la marche à suivre et puis les événements mondiaux qui sont à suivre. Et vous, vous n'y êtes pas invité, vous n'avez aucun droit d'y participer, de savoir de quoi il est discuté dans ces sommets-là. Alors, n'est-ce pas assez incroyable? Des gens comme Willy Ball de Cernco, ça c'est de l'Autriche, CEO de l'Unicredit, banque de l'Autriche. Vous avez un autre ici, W. Edmund Clark du Canada, groupe président et CEO de la banque TD, du groupe de la banque TD. Kenneth Clark de la Grande-Bretagne, membre du Parlement, Lord Chancellor, secrétaire de la Justice. Alors, voyez les postes extrêmement importants. Un autre des États-Unis, Christopher DeMuth, qui se trouve de venir de la Hudson Institute. Un autre des États-Unis, Michael J. Evans, vice-chairman, global head of Growth Market, Goldman Sachs. Alors, vous avez Ying Fu de la Chine, vice-ministre des affaires étrangères. Vous avez un autre ici, Donald E. Graham des États-Unis, chairman et CEO de la Washington Post Company, alors des grands médias. Vous avez Eric Israelewicz de la France, Lui est CEO chez Le Monde, un autre grand média en France. John Kerry, vous connaissez John Kerry des États-Unis, sénateur pour le Massachusetts. Henry A. Kissinger, alors grand criminel de guerre des États-Unis, lui qui se trouve être chairman de Kissinger Associates Incorporated. Neelie Kroes, lui c'est international vice-président de la Commission européenne, commissionnaire pour ce qu'on appelle l'agenda digital. Pascal Lamy, directeur général pour la World Trade Organization, l'organisation international des échanges commerciaux, alors l'OMC. Ensuite, vous avez Ariel Levitt d'Israël. Vous avez, lui, il vient de la Carnegie Endowment for International Peace. Andrew N. Liveris des États-Unis, président, chairman et CEO de la Dow Chemical Company. Peter Mandelson de la Grande-Bretagne, qui est membre de la Chambre des Lords, chairman du Global Council. Jessica T. Matthews des États-Unis, présidente Carnegie Endowment for International Peace. Vous avez un autre ici du Canada, Frank McKenna. Vous connaissez Frank McKenna? Alors, maintenant, Deputy Chair de la TD Bank Group. Vous avez le Chief Research and Strategy Officer de Microsoft Corporation, Craig J. Mundy, des États-Unis. Vous avez des Pays-Bas, la reine des Pays-Bas, qui était sur place. Alors, vous avez aussi Peggy Noonan des États-Unis, columniste, auteur du Wall Street Journal. Vous avez ensuite le chairman de la Royal Dutch Shell, alors Finlande, Jorma Ollila. Ensuite, vous avez Citigroup, des gens de vice-président de Citigroup, Peter R. Orszag. Vous avez Richard N. Pearl des États-Unis, président Fellow American Enterprise Institute. Vous avez Gideon Rachman de la Grande-Bretagne qui se trouve à être commentateur des affaires étrangères du Financial Times. Vous avez le premier ministre de l'Alberta, Alison M. Redford. Vous avez ensuite aussi du Canada, Ether M. Raisman, CEO Indigo Books and Music Incorporated. Vous avez Robert E. Rubin des États-Unis, co-chair Council on Foreign Relations, ancien secrétaire du Trésor américain. Et un autre de Goldman Sachs, Peter D. Sutherland, qui lui est basé en Irlande. Vous avez un autre ici, chairman de Novartis AG, alors les OGM. Un autre de Dutch Shell ici, un CEO, Peter Voser. Ensuite, un autre ici, ça c'est Office of Prime Minister. Alors, Chief of Staff du Canada, Nigel S. Wright. Ensuite, du Financial Times, Chief Economic Commentators, Martin H. Wolfe. Vous avez des gens du Economist. Alors, deux, ici, c'est le correspondant de business du Economist et puis l'autre correspondant des affaires étrangères du Economist. Alors, vous voyez la panoplie de gens qui participent à ces sommets-là et qui viennent autant des médias, du gouvernement, des multinationales, des grandes pétrolières, des grandes banques. Ces gens-là se rencontrent ensemble et puis discutent de comment l'argent va être dépensé, gère des trillions de dollars, ont des influences sur des trillions de dollars qui transigent à chaque année. La grande élite financière du monde et qui finalement se concerte pour les choses à venir dans le monde. Alors, ayez ça à l'esprit, chers auditeurs, c'est très important. Ensuite, parlons-en encore d'aberration et d'indignation en chiffres. Vous avez ici un bulletin de fin de session du gouvernement libéral de Jean Charest. Alors, si vous pensiez voter pour ce bandit-là, okay, ce criminel, ce voleur, ce défenseur qui a déjà travaillé comme avocat pour les Hells Angels, ainsi de suite, ce Jean Charest, John James Charest, qui est lié d'une certaine façon au crime organisé, a couvert les traces du crime organisé dans les scandales ici au Québec. Scandales qui ne cessent d'exploser d'un bord puis de l'autre dans la construction, dans les voies, dans le transport Québec, ainsi de suite. qu'il y ait règlement ou pas avec les étudiants, n'oubliez pas ceci, qui justifie la poursuite des manifestations jusqu'à sa démission ou sa poursuite aux criminels. Vous avez un gouvernement qui ne cesse de vous voler et de vous mentir, et puis après ça, se faire passer pour un sauveur, se faire passer avec des annonces tout habillées en blanc ici au Québec pour vous faire croire que ce gars-là fait partie du bon côté de la médaille. Écoutez bien, là, chers auditeurs, là, je dis, c'est complètement révoltant. Le vol du siècle des ventes secrètes des permis d'exploration pétrolière sur l'île d'Anticosti à Petrolia et Junex, une perte de 3 000 millions de dollars pour le Québec. Voilà pour le dossier de Jean Charest. Des corruptions et caisses électorales, le PLQ qui confirme que ses 26 ministres doivent amasser 100 000 $ par an. Louis-Georges Boudreau, qui a reçu de Jean Charest le prix du militant exemplaire, a été arrêté par l'unité permanente anticorruption, l'UPAC, en avril 2012. Collusion et corruption dans l'industrie de la construction. Le rapport secret de l'unité anticollusion du Québec obtenu par Radio-Canada dresse un portrait accablant pour le ministère des Transports des pratiques immorales, voire illégales, et établit un lien direct entre l'industrie et le financement occulte des partis politiques. Commission d'enquête sur la corruption. Ça, c'est tout notre cher gouvernement Jean Charest / Clan des Morais, là. OK, c'est ça qu'on a à faire, là. On n'est pas dans un système où le droit... C'est pas un État basé sur l'ordre et la loi dans lequel on vit. On vit dans un État où la corruption est érigée en système, où la fraude est érigée en système. On fait face à la collusion de la corruption dans l'industrie de la construction. Le rapport secret de l'unité anticollusion du Québec obtenu par Radio-Canada dresse un portrait accablant pour le ministère des Transports et des pratiques immorales, voire illégales, établit un lien direct entre l'industrie et le financement occulte des partis politiques. Commission d'enquête sur la corruption. Il aura fallu 2 ans pour que le gouvernement Charest accepte la création d'une commission d'enquête. Plusieurs sympathisants et militants du PLQ font l'objet de mandats d'arrestation de l'unité permanente anticorruption, l'UPAC. Plan Nord. Les Québécois et Québécoises devront payer pour construire des routes et des infrastructures électriques. Redevances versées au Québec, 300-400 millions par an. Profit des minières, 3 à 4 milliards de dollars par an, sans aucun plan de remise en valeur du territoire. Seules les multinationales bénéficieront vraiment du Plan Nord. Gestion de la crise de la hausse des frais de scolarité, que l'on soit pour ou contre la hausse, tous s'entendent pour dire que le gouvernement a très mal géré la crise. Très mal géré la crise, l'a fomenté, l'a étiré en longueur, l'a acerbé, l'a exacerbé, l'a rendu pire. Okay? Et finalement, on aura dépensé plus d'argent en publicité pour laver le cerveau des Québécois et des Québécoises pour faire croire que la position du gouvernement est la bonne. Et ensuite, en frais pour les services policiers et ainsi de suite. OK? Ensuite, la loi 78, en guise de solution à la crise qui n'a pas su gérer, Jean Chrétien impose sous bâillon une loi matraque qui nie les droits fondamentaux de tous les Québécois et Québécoises. Mise à pied sauvage d'usine. Aucune réaction du gouvernement depuis 2011. Résolue. Anciennement Abitibi, Bow Waters, Electrolux, Shell et Air Canada ont tous fait des mises à pied sauvages, laissant des milliers de travailleurs dans la rue. Qu'a fait le gouvernement Charest pour protéger les travailleurs? Absolument rien. Taxe santé de 200$. Le gouvernement Charest impose une taxe de 200$ à tout travailleur qu'il gagne 14 000$ ou 1 million de dollars. Le même montant. Prévu au départ pour financer les établissements de santé, la taxe santé deviendra une grande tirelire destinée à financer à peu près tout ce qui touche de près ou de loin la santé, selon le projet de loi déposé en mai 2012. Québec a reçu 550 millions de dollars du gouvernement fédéral pour financer les bourses aux étudiants des cégeps et universités. L'argent est utilisé à d'autres fins. Au lieu d'utiliser cet argent pour financer le programme de prêts de bourses aux étudiants, Québec l'injecte dans les fonds consolidés de revenus de sorte qu'il sert au financement de différentes missions de l'État. Ceci est le top 10 des méfaits du gouvernement libéral de Jean Charest. Pour en savoir plus, allez visiter le site www.arrêtezlequelqu'un.com. Alors, voilà pour un bilan sommaire de ce gouvernement parasite et incroyablement menteur et corrompu de Jean Charest / Desmarais. Alors, plusieurs nouvelles choquent comme ça dans l'actualité, chers auditeurs, dont vous devez être au courant. Et on continue. Vous avez tout ce dossier dont je vous parlais en début d'émission de drones aux États-Unis qu'on veut utiliser pour épier, surveiller les Américains. Eh bien, vous avez cette fameuse nouvelle dont je vous parlais de la Floride qui espère pouvoir remplir les ciels floridiens avec ces fameux drones qui volent à plus de 50 000 pieds. Alors, on veut épier les Américains comme une bonne vieille tyrannie. Vous avez le Pentagone ici rapporté par la Activist Post où on rapporte une liste de 110 bases potentielles pour les drones à travers les États-Unis. Alors, très intéressant de voir comment on est en train de transformer ce pays en une belle tyrannie. Ensuite, on parle de déploiement domestique. Vous avez le chef de l'armée américaine qui déclare que l'armée va être utilisée pour en fait apporter des options de réponse rapide et puis d'adresser des challenges à l'intérieur des États-Unis eux-mêmes. Alors, ça, c'est assez inquiétant aussi. Alors, c'est Raymond Odierno, le Army Chief of Staff, qui a déclaré ceci dans un article publié dans le Foreign Affairs, une pièce de propagande publiée par le Council on Foreign Relations, où on parle ici de cette en fait possibilité en fait de déployer des drones et aussi des appareils et puis même des morceaux de l'appareil militaire américain pour des réponses officielles à l'intérieur des États-Unis. OK? Alors c'est une pièce encore là, qui est en train d'être mise en place aux États-Unis. Alors, un autre élément de tyrannie qui est en train de se mettre en place et qui se trouve à être une violation directe de la posse comitatus aux États-Unis, qui interdit à l'armée d'interférer dans les affaires intérieures. Très, très, très inquiétant, ce développement. Ensuite, on parle ici de la US Air Force qui pourrait être déployée à l'intérieur des États-Unis pour faire de la collecte de données sur les citoyens américains. Ensuite, vous avez une autre liste ici, c'est le Homeland Security qui admet suivre à la trace tous les courriels, toutes les conversations électroniques qui pourraient contenir une liste. En fait, qui pourrait contenir des termes contenus dans une liste de 377 termes. Alors, écoutez, si vous écrivez des courriels qui contiennent des mots comme le DHS, le FEMA, les services secrets, la CIA, les exercices, ainsi de suite. Écoutez, je vous ai laissé la liste au complet. Corée du Nord, blablabla, H1N1, ainsi de suite. Une liste de pas loin de 7 pages de mots. Si ces mots-clés sont inclus dans vos courriels ou de vos conversations, vous tombez dans des systèmes qui vont suivre après ça vos courriels, ainsi de suite. Alors, je pense pas que ce soit une grande nouvelle pour la plupart des auditeurs, mais une autre confirmation de ceci. Ensuite, plusieurs autres nouvelles qui parlent de la Syrie. Donc, on parle de cette intervention américaine-israélienne en Syrie. N'est plus une question de savoir si ça va se passer, mais plutôt quand ça va se passer. On a des délégations d'officiels américains qui se sont réunis pour cibler des zones en Syrie, puis préparer l'appareil militaire. On a des calculs qui ont été faits aussi par différents groupes et qui parlent qu'une intervention en Syrie pourrait causer plus de 100 000 morts. On est en train vraiment de se préparer là à une intervention directe en Syrie. Alors, vous avez une carte ici qui était attachée à une histoire dans les médias et qui révèle probablement plus que ce qui était voulu. Elle a été copiée, alors vous allez la voir sous le titre, ça s'appelle « Big Powers Move In on Syria, World War III Set to Blow ». Alors vous allez avoir cette nouvelle en anglais. Et puis, dans cet article, vous allez voir une carte. On appelle ça division à l'intérieur de la Syrie, qui est datée du 2 juin 2012. Et puis, on peut voir, à l'aide de flèches bleues, qui indiquent des forces qui entrent en Syrie, et puis qui montrent très clairement justement que la déstabilisation qui se passe à l'intérieur de la Syrie n'a pas rien à voir avec justement un mouvement intérieur ou un soulèvement populaire. On voit clairement que ces forces de déstabilisation viennent de l'extérieur. On voit clairement qu'elles entrent via Israël, via la Turquie, via d'autres zones comme ça, vers Azaz et vers Damascus et Douma et Deir ez-Zor. Alors, ce sont des villes à l'intérieur de la Syrie où on voit que on a des infiltrations qui viennent de l'extérieur et qui entrent en Syrie et puis qui déstabilisent le pays alors qu'il n'a rien à voir avec un soulèvement populaire en Syrie. On a la Russie qui a envoyé des bateaux et puis des armes vers la Syrie qui ont des troupes qui se sont déployées en Syrie. Alors, très important, des troupes armées russes qui se sont déployées en Syrie. Vous avez des deals possibles entre la Turquie puis le Qatar sur une opération militaire contre la Syrie. Alors, vous avez différentes aussi nouvelles qui parlent de différents pays autour qui se sont mis ensemble justement dans ce genre de coalition néfaste pour déstabiliser la Syrie. Vous avez l'appareil militaire américain qui ont complété des préparations initiales pour une guerre contre la Syrie aussi. Vous avez une autre nouvelle ici qui fait état des États-Unis qui ont fourni de l'aide pour amener des appareils de communication pour les opposants en Syrie. Alors, écoutez, ça n'a rien à voir avec une opposition pacifique, chers auditeurs. Quand on fournit de l'équipement avec des capacités de GPS, des téléphones satellites, ainsi de suite, qu'on fournit à ces groupes armés terroristes. Alors, c'est assez important à suivre ces nouvelles pour savoir réellement ce qui se passe dans ce pays qu'on nomme la Syrie. OK? Alors, ça n'a absolument rien à voir avec réellement un soulèvement social. On parle ici d'une opération psychologique de false flag à travers les médias. On est en train de préparer aussi différents événements, autant qu'il y en a d'autres médiatiquement qu'on traite de façon frauduleuse, de façon propagandiste, pour essayer de faire passer une réalité pour un autre. OK? Alors, gardez les yeux ouverts. Plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Les États-Unis qui ont engagé des terroristes pour renverser la Syrie. Des Syriens rebelles responsables pour les massacres à Houla. Alors, ça aussi, c'est important d'en parler. Il y a quelques semaines, on a eu un massacre qui s'est passé là-bas qui n'a rien à voir avec le régime syrien, qui a tout à voir avec des escadrons de la mort qui sont infiltrés, qu'on arme et qu'on finance. On parle ici de la part d'Israël, des États-Unis, qu'on envoie en Syrie pour déstabiliser et tuer des gens innocents comme ça, pour blâmer ensuite sur le régime en place. La Russie qui a blâmé l'Arabie Saoudite, le Qatar, pour avoir financé des terroristes syriens. Alors, plusieurs nouvelles comme ça, là, vous allez avoir. Là, la Syrie qui n'a rien à voir avec une intervention humanitaire ou quoi que ce soit. Là, OK? Donc, plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens. La Russie, évidemment, qui va s'opposer à ça, qui continue de s'opposer à ça. Obama qui augmente, qui continue d'amplifier la guerre secrète au Yémen. Alors, vous avez l'administration Obama qui a lancé plus de 28 attaques aériennes par drone et puis 13 frappes aériennes au Yémen, selon les données compilées par le New America Foundation et d'autres rapports très crédibles. Par contraste, l'administration de George W. Bush avait lancé seulement qu'une attaque par drone au Yémen. Alors, ces données ont été d'ailleurs ramassées en provenance de différents médias comme Associated Press, Reuters et CNN et le Yemen Post. Alors, vous voyez, les États-Unis aussi qui vont déployer plus de 3000 troupes en Afrique. Alors ça, c'est l'armée américaine qui a confirmé ceci. Alors, on va déployer des milliers de soldats à travers le continent africain durant l'année 2013. Plusieurs d'entre eux vont provenir de l'Afghanistan. Alors, vous voyez le type de nouvelles comme ça, des nouvelles que les grands médias ont bien de la peine à vous rapporter. Ensuite, vous avez Big Pharma qui va continuer ses expériences médicales dans les nations sous-développées pour le profit. Alors, des corporations pharmaceutiques comme Novo Nordisk qui vont utiliser des pays sous-développés pour tester des différents médicaments. Alors, vous avez plusieurs médecins qui commencent à parler contre cette pratique et qui a beaucoup plus à faire avec augmenter les profits que plutôt de la recherche scientifique. Alors, on a plusieurs pays comme l'Inde et l'Afrique du Sud où les citoyens sont payés pour prendre des médicaments. Et puis, en fait, ce sont des tests médicaux qui sont faites sur des cobayes comme ça, qui des gens qui finalement qu'on trompe. Donc plusieurs nouvelles assez troublantes, des armes de modification du climat. Alors oui, ça existe, ça n'a rien à voir avec la science-fiction. Ensuite, vous avez, écoutez, ça c'est un documentaire de History Channel qui ont été faits sur justement ces technologies de modification du climat qu'on utilise comme arme. Alors, vous avez même l'armée américaine qui admet maintenant avoir réussi à guider, écoutez bien, la foudre avec des faisceaux laser. Alors, on est capable de guider la foudre et de la faire frapper exactement là où on veut avec des lasers. Alors, vous avez des photos, vous avez une vidéo d'une trentaine de minutes de History Channel aussi qui vont parler de ça. Alors, c'est assez incroyable. Alors, évidemment que ces technologies-là font en sorte qu'on ne laisse aucun fragment de bombe. On n'a aucun avion qui peut être tracé dans le ciel. Il n'y a aucune façon facile de prouver qui a commis un tel acte. Est-ce que c'était un désastre naturel? Est-ce que c'était une attaque? Voilà la définition d'une technologie offensive parfaite. Alors, allez voir ça. Des nouvelles assez incroyables. Vous avez même une photo ici où on voit justement une foudre comme ça qui est guidée et qui voyage horizontalement on la guide par un laser. Et vous avez sur la photo, on voit carrément là, la foudre là, qui voyage horizontalement, c'est une belle ligne droite, et puis après ça, qui bifurque vers le bas pour frapper le capot d'une voiture. Alors, c'est assez spécial quand même. En Colombie, on décriminalise la cocaïne et la marijuana. Alors, quiconque est pris avec 20 grammes de marijuana ou 1 gramme de cocaïne et moins, pour utilisation personnelle, ne sera pas poursuivi en justice ou détenu. Alors, pour être requis, par contre, de recevoir des traitements physiques ou psychologiques, tout dépendant de leur niveau d'intoxication, selon des rapports colombiens. Alors, vous avez la cour là-bas qui a autorisé ceci. Alors, voilà un autre pays qui adopte un comportement sensé face à ça. Alors, vous avez évidemment la Hollande, l'Espagne aussi, très récemment, ou c'était le Portugal, un des deux, je ne me rappelle plus, là, c'est un peu vague. C'est un de ces deux pays-là qui a décriminalisé aussi l'utilisation de la drogue comme ça, et puis qui finalement a rencontré un succès monstre parce que justement l'approche est beaucoup plus sensée. Alors, des gens qui ont des dépendances de drogue n'ont pas besoin de se retrouver en prison, mais ont besoin d'aide. Hein? Donc, je veux dire, ça prenait pas un grand génie pour comprendre ça, mais tout simplement des gens sensés qui sont au pouvoir et puis qui mettent en place justement des systèmes logiques et sensés plus humains. Pendant ce temps-là, ben, vous avez la DEA qui continue de commettre vraiment des massacres incroyables, qui laissent des civils morts derrière, en fait, sur leurs traces. Alors, ça, c'est l'autre facette, l'autre façon de gérer les drogues. Alors, ça, c'est assez particulier aussi. Alors, c'est la fameuse guerre contre la drogue américaine qui, finalement, lance des agents partout en Amérique du Sud et puis, finalement, crée le chaos et sème la terreur et la mort sur leurs traces. Alors, voilà. Donc, vous avez une autre nouvelle assez, assez curieuse où on parle d'aide étrangère américaine et anglaise qui finance des programmes de stérilisation de masse en Inde. Vous avez bien entendu, vous avez des dizaines de millions qui sont finalement acheminés en tant que financement, si vous voulez, pour de l'aide hein, qui vient des Nations Unies. De la Grande-Bretagne, qui a été utilisée pour stériliser par force des femmes en Inde. Vous avez les États-Unis, puis la Banque mondiale aussi, qui ont envoyé des fonds à travers des programmes d'aide étrangère. Alors, ça, c'est rapporté par, d'ailleurs, Life News, qui rapporte que le gouvernement britannique a donné plus de 268 millions de dollars au gouvernement indien pour des programmes, selon le journal The Guardian. Et puis, cette nouvelle vient aussi au moment où vous avez la fondation Bill et Melinda Gates qui se prépare à, finalement... En fait, ben, cette nouvelle-là, elle date là, du mois de mai, donc c'est probablement déjà passé maintenant, mais on devait avoir un sommet de la planification de la famille avec le gouvernement britannique à Londres. Non, c'est au mois de juillet, alors ça va se dérouler ce mois-ci, au mois de juillet. Alors, Melinda Gates a récemment dénié le lien entre les programmes de contraception et puis les speeches de contrôle de la population qui ont été donnés lors du lancement de cette nouvelle initiative. Alors, vous avez des liens, évidemment, qu'on nie cette histoire-là, mais vous avez malheureusement plusieurs évidences rapportées par des médias ici qui parlent justement de ces programmes qui sont financés. Et puis qui on a des campagnes ici pour la stérilisation de masse, en fait, même qui remonte jusqu'à les années 70, OK? Alors, allez voir ça, une nouvelle très intéressante ici où on parle justement encore de ces programmes de stérilisation de la population. L'élite qui croit que vous êtes en train de de détruire leur planète et qui voudrait bien faire en sorte que vous arrêtiez de vous reproduire. Alors, un autre article ici qui parle de ça, des millions de dollars de paires de taxes américains qu'on a envoyés dans des différents programmes de contrôle de la population à l'étranger, des portions qui ont été directement dépensées par la USAID et d'autres programmes ainsi de suite. Alors, voilà. Donc, plusieurs nouvelles qui vont dans ce sens-là. Écoutez là. S'il y a plusieurs autres nouvelles, on va s'arrêter là-dessus. Ici, à part quelques bonnes nouvelles, ici où on parle du Vermont, ici du gouvernement du Vermont aux États-Unis qui ont signé maintenant un projet de loi qui est devenu loi qui va interdire cette fameuse fracturation des sous-sols pour le gaz, les gaz de schiste. Alors, vous avez d'ailleurs une autre étude ici qui prédit que les fluides qui sont utilisés en fait là, pour faire la fraction là, des sols pour les gaz de schiste pourraient atteindre justement les réserves d'eau souterraines dans seulement quelques années. Alors, évidemment que c'est de quoi de très très important là, à arrêter aussi là, ces niaiseries là, de gaz de schiste, là, réellement, là, il y a d'autres façons là, d'y arriver. Vous savez, le gouvernement allemand, d'ailleurs, qui s'est opposé aussi à ça, se dit très sceptique de ces procédures. Voilà, quand même assez intéressant. Une autre nouvelle, j'en ai parlé souvent sur l'autre monde, ça vaut la peine ici de le rapporter encore une bonne fois pour que tout le monde soit bien conscient de ça. La FDA qui est accusée d'homicide de masse de plus d'1 million d'Américains chaque décennie. rapporté par Natural News. Alors, on dit que la plus grande menace aux États-Unis ne provient pas des terroristes ou du réchauffement climatique, mais en fait du génocide de masse des Américains qui meurent à chaque année aux mains de la très corrompue U.S. Food and Drug Administration, la FDA. Vous avez des rapports récents encore qui proviennent de John Rappaport, un reporter d'enquête qui découvre encore là plusieurs sales vérités de la FDA. Qui approuve des médicaments à chaque année qui tuent au moins 100 000 Américains par année. Ok, je répète, des médicaments approuvés par la FDA qui tuent plus de 100 000 Américains par année. Et puis, ce sont des chiffres qui sont en fait listés sur leur propre site internet. Et puis, cette agence de santé, hein, qui est censée être l'agence gouvernementale de la santé pour les Américains, ne fait absolument rien pour enrayer cette tendance désastreuse. OK, alors vous avez une page sur le site internet qui s'appelle « Why learn about adverse drug reaction? » Alors, pourquoi apprendre sur les réactions négatives, les réactions secondaires des médicaments? Où vous avez la FDA qui admet que 100 000 personnes meurent à chaque année, résultant justement de la prise de ces médicaments pharmaceutiques approuvés par la FDA. Okay? Alors, vous avez des figures qui proviennent d'études, de trois différentes études publiées, qui révèlent que plus de 2 millions de personnes à chaque année souffrent d'effets secondaires des médicaments, okay, qui incluent des attaques, des arrêts cardiaques, des attaques cardiaques, des dommages permanents neurologiques, et ainsi de suite. Vous avez en lien la page de la FDA pour que vous constatiez vous-même ces chiffres, alors qu'ils se trouvent à être le www.fda.gov, G-O-V, alors fda.gov. Alors, allez voir ça. Alors, eh oui, c'est exactement ceci. Alors, c'est assez inquiétant, mais c'est la vérité même, chers auditeurs. C'est ce qui est de plus frappant de tout ceci. D'autres rapports qui montrent que les radiations peuvent détruire votre ADN. Alors, c'est des nouvelles études qui ont été conduites utilisant des radiations de terahertz. Ont trouvé que celles-ci peuvent avoir des effets de radiation sur votre matériel génétique et peuvent être aussi dévastatrices que en fait la détruire elle-même. Alors, ce sont ces fameuses radiations fréquences qui sont utilisées dans les aéroports à travers ces fameux scanners qu'on utilise. Voilà. Donc, des nouvelles assez inquiétantes, là. D'autres nouvelles ici qui parlent de ces fameuses crèmes solaires commerciales qui sont un danger pour votre santé. Alors, vous avez différentes études maintenant qui ont été encore révélées, une fois de plus, avec des ingrédients qui sont contenus dans ces fameuses crèmes solaires, dont l'oxybenzone qui pourrait causer différentes situations potentiellement dangereuses pour votre santé, là. Plusieurs éléments chimiques là-dedans qui sont dangereux pour votre santé. L'oxybenzone, lui, qui agit un peu comme le bisphénol A, BPA, qui est un produit chimique qui imite l'estrogène. Alors, c'est une autre étude là, qui montre que ces trucs-là ne sont pas une bonne chose à mettre sur votre peau. Alors, un autre ingrédient ici, des crèmes solaires qui pourraient endommager les cellules de votre peau lorsqu'elles sont exposées à des rayons UV. Alors, ça se trouve à être des études qui sont faites, des recherches par l'Université du Missouri qui suggèrent que l'oxyde de zinc, lorsqu'il est exposé à la lumière du soleil, commence une réaction chimique qui pourrait relâcher des molécules non stables comme des radicaux libres et qui pourraient ensuite se lier à d'autres molécules et puis dans ce processus endommager vos cellules de la peau et même endommager l'ADN qui sont contenus à l'intérieur de ces cellules. ce qui pourrait suggérer que ceci pourrait augmenter potentiellement le risque d'un cancer de la peau. Alors, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que vous utilisez de la crème solaire commerciale. Là, évidemment, il y a des bonnes crèmes solaires naturelles. Regardez les ingrédients, évidemment, qui sont contenus là-dedans. Mais ce que ça veut dire, c'est que vous utilisez de la crème solaire commerciale pour vous protéger du cancer. Et puis, c'est cette crème solaire qui vous le donne, le cancer. Alors, voilà. Donc, une cour italienne a rendu un jugement comme quoi les vaccins, certains vaccins pourraient déclencher l'autisme. Alors, très important encore là, des cancers. En fait, c'est des, excusez-moi, c'est des vaccins qui contient du thimérosal, qui contient d'autres ingrédients toxiques, alors qui pourraient être liés justement à l'autisme. Alors, ça c'est encore là très intéressant d'avoir ces jugements qui sont rendus de plus en plus un peu partout dans différents pays, puis qui établissent le lien direct entre les vaccins et l'autisme. Alors, un autre lien, certes, la maladie de Parkinson et les pesticides officiellement reconnus. Alors, ça aussi, c'est de plus en plus important et de plus en plus publié. Alors, on ne pourra plus le dénier. Alors, en 10 ans, seule une poignée d'agriculteurs ont obtenu la reconnaissance de leur maladie comme professionnelle causée par les pesticides. Mais c'est un pas de plus vers la reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs. Alors, le lundi 7 mai est entré en vigueur un décret qui reconnaît la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle et établit explicitement un lien de causalité entre cette pathologie, seconde maladie neurodégénérative en France après l'Alzheimer, et l'usage des pesticides. Alors, bon, écoutez, en 10 ans, c'est 5 maladies liées aux pesticides reconnues. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, rester loin de ça, là. Ça contient, évidemment, c'est peut-être des produits qui sont très, très dangereux pour votre système nerveux central et votre ADN. Bonne nouvelle ici, vous avez l'ail plus efficace que des antibiotiques contre des bactéries d'empoisonnement alimentaire. Alors, très intéressant, les Pays-Bas. Le premier pays de l'Europe a passé une loi pour la neutralité de l'Internet. Et puis, bon, ben écoutez, je crois que c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour là, des nouvelles les plus importantes là, de l'actualité pour vous. Alors, pour cette semaine, donc on va faire une dernière petite pause et puis après ça, on va se retrouver rapidement pour les nouvelles de l'économie. Puis ça va être tout pour l'émission de la semaine. Ben voilà, chers auditeurs. Alors, on va terminer maintenant ce dernier volet de l'autre monde de l'émission de la semaine avec l'économie. Alors, un sujet extrêmement important. Sujet sur lequel je vais essayer de vous entretenir chaque émission. OK? D'ici le temps que je termine, là. Donc, entre au moins une ou deux autres émissions, là, chers auditeurs. Alors, on va parler d'économie beaucoup parce que c'est évidemment probablement un des sujets les plus importants là, avec ce qui se passe avec le Moyen-Orient puis Fukushima. Là, à mon avis, là, c'est vraiment les sujets les plus sérieux à suivre, les plus importants. Alors, pourquoi? Ben, parce que, écoutez, on fait face à un écroulement total de l'économie mondiale. Là, je veux dire, sans vouloir l'air catastrophiste, je dirais, et alarmiste, là, réellement. Là, je veux dire, on fait face à une situation là, des plus sérieuses, avec une économie qui, finalement, tient à pas grand-chose. Je veux dire, on fait face à une situation comme en 2008, d'où on fait face à un crash, mais le problème, c'est qu'en 2008, on avait eu différentes raisons pour lesquelles, finalement, l'économie s'était écrasée. Et puis, ces raisons, finalement, n'ont jamais été adressées. On n'a jamais essayé de régler ces causes-là. Et puis, évidemment, que ces trucs-là ne se sont pas réglés d'eux-mêmes, là, comme par magie, là. Je veux dire, les gens, des fois, peut-être, pensent avec la pensée magique là, que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes et puis que tout va s'arranger et puis que c'est juste un sale moment à passer. Après ça, que les choses vont se remettre sur pied et puis que l'économie va reprendre et puis que tout va être comme c'était avant et puis que tout le monde va être heureux. Alors, je veux pas, je voudrais peut-être pas là réellement ruiner là vos rêves et puis vos illusions, là. Sauf que si vous pensez que la crise de 2008 était grave, je veux dire, ce qu'on est à veille de vivre va l'être encore pire parce que non seulement on n'a pas réglé les fondements de la crise, les raisons profondes de la crise de 2008, mais en réalité, en plus, on n'a pas plus arrêté les acteurs, les criminels, les artisans de cette crise. Et puis ces gens-là sont encore en place. Et puis les fondements de l'économie qui sont complètement finis, corrompus, ne sont pas plus réglés depuis 2008. En fait, se sont empirés depuis. Et puis on fait face à une situation où, écoutez, on fait face à l'écroulement de la zone économique européenne et nord-américaine, et entraînant ce faisant l'économie mondiale. Techniquement, on fait face à la Grèce qui est en banqueroute, l'Espagne qui est en banqueroute, le Portugal qui est en banqueroute, l'Italie qui est en banqueroute, les États-Unis qui sont en banqueroute, l'Angleterre qui est en banqueroute. Écoutez, on fait face à une situation assez catastrophique, là. Je veux dire, le Canada est lui-même proche de la banqueroute. Le Canada avait une dette en 2006, écoutez ça, de 481 milliards de dollars et avait payé presque 1 trillion de dollars en intérêts depuis 1961. Là, je répète cette phrase-là, là. Je vais essayer de conceptualiser ça, là. Le Canada avait une dette en 2006 de 481 milliards. OK, on va garder les chiffres en milliards là pour que vous ayez une bonne compréhension. 481 milliards de dollars de dette qu'on avait en 2006 au Canada. Et puis à pareille date, on avait payé presque 1000 milliards de dollars en intérêts depuis 1961. OK, là vous comprenez là qu'on a payé plus que le double de ce qu'on devait en dette, de ce qu'on devait juste en intérêts. La dette américaine est de 15 trillions de dollars ou 15 000 milliards de dollars. Puis vous avez 8,2 trillions qui ont été payés en intérêt en 24 ans. Comprenez-vous que c'est un cercle sans fin, cela, là? Que les dettes, là, sont appliquées à nos pays. Des dettes qui sont créées parce que au lieu de la créer nous-mêmes avec notre banque centrale, on l'emprunte avec intérêt des banquiers privés, ce qui est une fraude en soi. Une trahison totale. OK? On est maintenu dans un système qui est basé sur la dette. dans un système monétaire qui fait en sorte que dès qu'il rentre en fonction, il y a plus d'argent qui est dû qu'il en existe dans le système. OK? Comprenez-vous qu'au Québec, c'est-à-dire au Canada, là, on a légèrement plus qu'un trillion de dollars en devises canadiennes, autant électroniques qu'en papier, qui circulent, puis qu'on en doit le triple, c'est-à-dire qu'on prendrait toute la masse monétaire canadienne. On la rembourserait, puis on en devrait encore deux fois ce montant-là, puis il n'y aurait plus une scène, plus un dollar en circulation. Vous comprenez ce concept-là? C'est ça le cœur du problème de l'économie. C'est ça que le mouvement Occupy Wall Street parlait. C'est pour ça que le Homeland Security s'est mis à suivre, infiltrer et démanteler ce réseau de gens comme vous et moi qui dénonçaient le 99% qui étaient soumis financièrement comme des esclaves par le 1% qui les contrôle dans un système basé sur la dette, ce système de dette fictionnelle. Alors, c'est vraiment la clé. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est la clé. C'est le cœur du problème même. C'est ce qui fait peur à l'élite, c'est que les gens sont en train de comprendre et de réaliser le cœur de ce système qui est basé sur la dette, qui est basé sur un non-sens, qui est impossible. Je veux dire, vous avez des banquiers, je me rappelle, qui provenaient de la côte ouest canadienne, là, de la Colombie-Britannique, de Vancouver, qui avaient déclaré que justement cette dette était impossible à rembourser. C'était techniquement impossible à rembourser. C'était justement le but de ça. C'est de plonger tous ces pays-là, comme les nations européennes, dans des dettes tellement importantes qu'il est impossible de s'en sortir. OK? Alors, ce qu'on vous propose, c'est plan de sauvetage. Vous allez voir dans un paquet de nouvelles économiques que je vais vous laisser cette semaine, que c'est justement ce qu'on vous propose. C'est que pour sortir ces nations comme la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie de la dette, l'Angleterre, pour sortir ces nations de la dette, eh bien, on va les enfoncer encore plus dans la dette. On va leur prêter encore davantage d'argent. Alors qu'on comprend que ces problèmes que ces pays vivent ne sont pas des problèmes de solvabilité, mais bien, en fait, ce ne sont pas des problèmes de liquidité, mais bien de solvabilité. Les gens n'ont plus d'argent, les pays n'ont plus d'argent, et puis pour les sortir de ce faux pas, eh bien, on va les enfoncer encore plus profondément dans la dette. Alors, vous comprenez l'illogisme total, l'illogisme apparent, mais qui est en fait un logisme imparable pour les banquiers internationaux, qui, eux, se retrouvent en bout de ligne à saisir non pas seulement que des propriétés privées, mais des pays en entier. Prennent contrôle de des pays en entier. Alors, dans les gouvernements de ces différents pays-là, on retrouve de plus en plus de banquiers internationaux, de la Banque mondiale, du FMI, de Goldman Sachs, de JP Morgan, ainsi de suite, de Rothschild. OK? Alors, c'est indéniable, tous, dans le fond, toutes les nouvelles économiques dont je peux traiter, puis ici, vous avez un dossier de 471 pages. Évidemment, je publierai pas tout ça cette semaine, là. J'ai 471 pages de titres de nouvelles économiques. Je pourrais toutes vous les lire une par une, prendre 10 heures de temps. Ça reviendrait au même cœur. Ce sont tous des effets, des conséquences de ce système monétaire, système économique basé sur la dette, contrôlé par les banquiers privés internationaux. Ces gens-là ont créé, au-dessus de l'économie réelle, où vous et moi travaillons et produisons des biens réels, une économie réelle qui se chiffre à environ 50 trillions de dollars annuellement. Ils ont créé une économie virtuelle, une bulle économique virtuelle qui n'existe pas, une illusion totale, une fiction totale, qu'on appelle le marché des produits dérivés, qui se trouve être un casino mondial où on échange des titres de produits financiers ou de produits, de choses qui n'existent pas. Ou, par exemple, on échange... Vous savez, 80% des échanges commerciaux de pétrole dans le monde sont des échanges de titres fictifs. Alors, on échange du pétrole qui n'existe même pas. Et puis, vous, à la pompe, après ça, payez le gros prix à cause de ça, à cause de la spéculation. On échange des récoltes, que ce soit de riz ou de blé ou quoi que ce soit, qui ne sont même pas encore semées. Vous comprenez ça? On échange des récoltes, par exemple, de riz qui va être semé dans 3 mois. Et puis, après ça, ben vous voyez le cours de ces denrées de base qui augmentent et puis qui, des fois, atteignent des prix tellement élevés qui, comme l'année passée, avaient commencé à affamer littéralement des gens en Asie. Où on a vu ici, en Amérique du Nord et en Europe, le prix de la farine, du cocoa, ainsi de suite, doubler de prix, du café, ainsi de suite. Alors, c'est de ça que je parle. Alors, j'essaie de mettre ça en termes le plus facile à comprendre. Mais on se retrouve avec une bulle financière qui se trouve être le marché des produits dérivés, qui se trouve être une bulle financière, une bulle économique fictive, greffée sur l'économie réelle. Alors, vous devez comprendre l'échelle des choses. Alors, quand je vous disais que l'économie réelle roule environ 50 trillions de dollars par année, eh bien, ce marché des produits dérivés se chiffre à environ, là, vous avez des données qui sortent de 2011 de la Banque des règlements internationaux, ou en anglais, la BIS, The Bank of International Settlements, qui a publié des chiffres officiellement il y a quelques semaines, qui sont disponibles dans un rapport en PDF, que ce marché des produits dérivés se chiffre à, au minimum, 647 trillions de dollars. Alors, vous avez cette économie fictive, virtuelle, qui est au moins 7 fois plus importante que l'économie réelle. Et puis, c'est elle qui est en train de s'écrouler. C'est ce marché des produits dérivés qui est en train de s'écrouler. Et puis, selon certains rapports, vous voyez, là, on parle d'une économie réelle de 50 trillions de dollars versus 647 trillions de dollars pour les marchés des produits dérivés. Et puis, certains chiffres vont jusqu'à 1,5 quadrillions de dollars. Alors, elle est si importante, cette économie virtuelle et fictive, qu'elle risque d'entraîner, en fait, qu'elle va entraîner, je dirais, cette économie réelle dans les prochains mois. C'est ça qui est important. Vous avez des banques comme la Morgan Stanley, qui est en train de chercher quoi faire avec des instruments financiers qui, eux, détiennent plus de 50 trillions de dollars. Alors, vous avez des banques comme la JP Morgan Chase & Citigroup qui possèdent plus de 50 trillions de dollars de titres ou d'instruments financiers des marchés des produits dérivés qui en possèdent pour l'équivalent de toute l'économie mondiale, de l'économie réelle. Donc, vous comprenez un peu le problème. Vous avez des groupes financiers d'investissement qui sont maintenant incorporés à des banques commerciales qui finalement ont fait proliférer ce marché des produits dérivés jusqu'à des niveaux absolument impossibles à soutenir. Évidemment que c'est une bulle qui va éclater. Et puis, après ça, on va faire porter le panier aux payeurs de taxes. C'est pas plus compliqué que ça. C'est ça qui est en train de se préparer en ce moment même. Et puis, ceci pourrait être votre dernière chance de vous préparer pour ce qui pourrait être une des plus dangereuses années de l'histoire de l'humanité. Et puis, cette plus dangereuse année commence aussitôt que l'Espagne et la Grèce vont faire défaut sur le bon. À moins qu'on comprenne mondialement qu'on vit dans un système financier fictif et puis qu'on annule simplement toutes ces dettes fictives que nos pays détiennent. On fait face à ce qu'on appelle des bank runs. Des bank runs. Alors, ce sont des gens dans plusieurs nations. On parle en France. On parle de l'Italie. On parle de l'Espagne. On parle de la Grèce, où les gens se précipitent semaine après semaine. On en parle très peu dans les grands médias parce qu'on ne veut pas, évidemment, épeurer les gens. Mais vous avez des gens de plusieurs nations européennes qui se rendent à leur banque et retirent leur argent de la banque parce qu'ils ont peur de ne pas le ravoir. Alors vous avez des quantités, on parle de centaines de millions d'euros qui sont retirés des banques à chaque semaine dans plusieurs nations européennes. On en parle très peu. Vous commencez à voir différentes nations qui commencent à mettre en place des limites sur la quantité d'argent qu'ils peuvent retirer de la banque. OK? On se retrouve dans une situation extrêmement sérieuse où vous avez la Chine qui a acheté plus de 100 tonnes d'or de Hong Kong le mois dernier. La Banque centrale de la Chine a acheté plus de 100 tonnes d'or de Hong Kong. Quand vous savez, des banques centrales commencent à acheter des centaines de tonnes d'or pour se diversifier et puis se sortir de l'argent fiat, l'argent de papier. C'est parce que quelque chose se prépare. Ce ne sont pas des petits joueurs paranoïaques, alarmistes et catastrophistes qui jettent leurs bras dans les airs et s'agitent de convulsions. Non, ce sont des banques centrales de pays en entier qui, depuis plus d'un an et deux ans, animent cette tendance lourde des banques centrales qui sont les nets acheteurs de métaux précieux dans le monde. OK? Vous avez des banques autant américaines qu'européennes qui sont proches de la banqueroute. Et puis, on fait face, finalement, à un jeu de dominos où on va avoir une banque qui va faire défaut, une nation qui va faire défaut sur leur dette et qui va entraîner le reste. C'est une fraude perpétuée depuis très longtemps et puis qui est en train finalement de révéler ses dernières conséquences au monde entier. Et puis c'est bien là qu'on est rendu, chers auditeurs. Alors, vous avez évidemment des mouvements de résistance importants en Grèce. Vous avez des élections récemment qui se sont passées là. Avec une forte opposition anti-austérité, évidemment, qui sont qu'un mot pour cacher finalement une prise de contrôle des pays de l'économie par des banquiers privés et qui finalement veulent mettre leurs mains sur leur système financier. et qui sont en train finalement de le faire directement dans notre visage. Alors, vous avez plusieurs banques finalement qui sont proches de la banqueroute. Alors, vous avez une liste ici des 10 banques les plus à court. Vous avez la Banque d'Angleterre qui va pomper un autre 75 milliards de livres sterling d'argent nouvellement imprimé dans l'économie. On appelle ça de l'assouplissement financier. Alors, on finance la dette, on monétise la dette. On parle encore là des manipulations dans les marchés des métaux précieux. Alors, plusieurs articles ici qui parlent de ça. On parle de. On dit qu'il y a 15 $ dans les marchés des produits dérivés pour chaque dollar de vrai argent qui existe, de la vraie économie. Vous avez ici une photo d'un billet de 100 trillions de dollars. Alors, ça, c'est un billet de banque du Zimbabwe. Alors, c'est à ça que pourrait ressembler très bientôt votre argent. Allez voir ça, là, c'est réel, là, un billet de banque là, de 100 trillions de dollars. On a de la misère à acheter une liqueur avec ça au Zimbabwe. Vous avez les indicateurs clés de Goldman Sachs qui pointent vers un crash du marché. Alors, vous avez plusieurs, évidemment, indicateurs économiques globaux comme ça qui pointent vers un crash financier imminent. Alors, vous avez la classe moyenne qui a vu ses actifs baisser de plus de 40% entre 2007 et 2010, alors que les banquiers, eux, ont continué d'augmenter leurs profits. Alors, vous voyez vraiment où l'argent va. Vous avez les firmes de notation comme Fitch qui ont baissé la note de crédit de l'Espagne de 3 crans à BBB, triple B, ainsi de suite. Alors, plusieurs banques comme ça qui ont vu leur cote de notation baisser. Moody's en a fait pareil. Ensuite, on parle ici de l'Italie qui fait face à la banqueroute aussi. L'Europe qui est en train de planifier à mettre des restrictions sur la quantité d'argent qu'on peut retirer dans les guichets. Alors, évidemment, ici qu'on parle de cette fameuse bank run, comme je vous parlais. Vous avez des banques italiennes importantes qui ont maintenant aussi gelé les comptes de ses clients parce que on avait peur de voir les gens, finalement, courir à leur banque et retirer tous les fonds qu'ils y avaient. On dit que les banques grecques voient couler plus de 100 à 500 millions d'euros par jour de leur coffre. OK? Alors, c'est assez incroyable. Alors, plusieurs nouvelles comme ça qui font état de ceci. Donc, quand même, des nouvelles très importantes. Le plan de sauvetage de l'Espagne a déjà mordu la poussière. Alors, on pensait sauver l'Espagne. Alors, ça n'a duré que quelques heures et puis ce 100 milliards de dollars qu'on a injecté dans l'économie espagnole s'est déjà récrasé. On parle peut-être d'un bank holiday, là, ça veut dire on va fermer les banques, possiblement dans différentes nations, dont la France, on en parle déjà. C'est la fin de la partie pour les banques européennes. Alors, les banques espagnols ont perdu énormément d'argent. L'Espagne a un gros problème sur sa dette. On ne veut pas quantifier le problème parce qu'il y a une énorme pression pour ne pas révéler la vérité. Alors, l'Espagne s'est lancée dans une politique de délai et puis de remettre à plus tard et puis de prier. Mais apparemment que le délai est maintenant terminé. On ne peut pas aller plus loin. Alors, vous avez les banques espagnoles qui sont tellement à court d'argent, tellement à la banqueroute, qui sont maintenant ouvertes à ouvrir leurs livres financiers. Et vous avez même le ministre des Affaires économiques espagnol qui a déclaré que maintenant trois groupes d'enquêteurs, incluant des firmes américaines et allemandes, excusez-moi, du fonds du FMI vont maintenant explorer ce fameux système bancaire espagnol. Donc, écoutez, on prévoit des plans de sauvetage, ainsi de suite. Alors, ça continue comme ça. La Banque de l'Angleterre va couper encore là dans ses taux d'intérêt, va les amener à des bas historiques de 300 ans, imaginez. Donc, des fonds qui continuent de sortir des banques grecques, ça j'en ai parlé plusieurs, des gens qui cachent leur argent sous leur matelas. On a atteint le point de 0% de retour. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben écoutez, c'est assez incroyable. On est en train d'offrir en Angleterre, pas excusez-moi en Angleterre, mais en Allemagne, puis aux États-Unis, des bons du Trésor sur 2 ans qui offrent 0% d'intérêt. Alors les gens placent leur argent à 0% d'intérêt pendant 2 ans. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de garder un 20$ et de vous le remettre 2 ans plus tard sans aucun intérêt. Alors, quel est le but de ça? Le seul but de ça, chers auditeurs, c'est que vous devez comprendre que vous avez de plus en plus de gens qui ont tout simplement peur de ne pas revoir leur argent s'ils la laissent à la banque. Okay? Alors, ils préfèrent acheter des bons du trésor allemand à 0% d'intérêt juste pour s'assurer que cet argent-là va leur revenir dans 2 ans. Assez incroyable. Assez incroyable. Vous comprenez ce qui est en train de se passer, chers auditeurs? Vous comprenez ce qui est en train de se passer? Le bateau de l'euro est en train de couler. Le bateau de l'économie mondiale est en train de couler. Donc ça fait dur. Plusieurs nouvelles que vous allez voir. Des plans de sauvetage de 125 milliards de dollars en Espagne. Des plans d'austérité qu'on va mettre en place. Des trucs là qui servent absolument à rien. On dit ici que les directeurs de la Réserve fédérale aux États-Unis et puis différentes compagnies ont pris plus de 4 trillions de dollars des plans de sauvetage aux États-Unis. Alors, c'est eux qui ont volé cet argent-là. Des pertes énormes. On parle jusqu'à 27 milliards de dollars de JP Morgan. Donc, c'est en train de s'écrouler. C'est en train de s'écrouler. Donc voilà, c'est tout pour nous, chers auditeurs, cette semaine. On va y revenir de plus en plus, comme je vous disais, avec les nouvelles de l'économie. Il y a beaucoup de choses à vous parler pour que vous compreniez exactement là, dans quoi qu'on s'est embarqué, vers quoi on s'en va. Préparez-vous, il est temps de passer à l'action. C'est beau de parler, continuez quand même de transmettre l'information, mais entreprenez des actions concrètes pour vous protéger. Petit conseil ici de François sur l'autre monde. Donc, ça va être tout pour cette semaine. Moi, je vous salue bien bas. C'était un plaisir de vous retrouver. On va se retrouver encore pour 1 ou 2 semaines. Là, je vais voir là, comment ça va aller pour moi. Je vais vous tenir au courant au fur et à mesure. Puis après ça, ça va être des nouvelles sporadiques que je vais vous laisser. Des petites vidéos de plus ou moins longue durée que je vais vous laisser sur le canal YouTube de l'autre monde. Alors, vous découragez-vous pas, je vais être quand même là avec vous. Et puis, c'est tout un plaisir d'ailleurs de vous transmettre ces informations-là. Continuez à nous écrire, ça fait bien plaisir. Commentez aussi sur la chaîne YouTube de l'autre monde. Et puis, c'est toujours un plaisir de vous recroiser. Alors, voilà, c'était François Marchinant pour l'autre monde. Je vous salue bien bas, je vous embrasse. À plus, profitez de l'été. Bye bye, ciao.